franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une brebis. Dolly, l'un des premiers mammifères issus d'un clonage en 1996, le plus connu aussi. Il y a des événements qui marquent à jamais les esprits, d'autres qui bouleversent à jamais l'équilibre scientifique établi. La révélation au monde de l'existence de la brebis Dolly est de cela. Pour une grande partie de la communauté scientifique, cette expérience est un exploit des sciences et de la technique, une réussite qu'on n'hésite pas à comparer à l'époque à celui du premier pas de l'homme sur la Lune, c'est dire. Car il est vrai que d'un point de vue biologique, on va le voir, la conception de la brebis Dolly est une révolution qui va très vite dépasser les portes des laboratoires et des salles de recherche pour s'inviter, bien malgré elle, dans la sphère médiatique et donc dans le débat public. Car avec la naissance de Dolly, c'est une barrière de la nature que l'on pensait infranchissable qui s'effondre et qui soulève avec elle de profondes questions éthiques, sociales et philosophiques, avec en toile de fond le spectre aussi intrigant qu'effrayant du clonage humain. Après le récit, nous donnerons la parole à notre invité, le professeur Patrick Gaudrey, généticien, directeur de recherche au CNRS et membre du Comité consultatif national d'éthique. Auteur de nombreux ouvrages de recherche portant sur les évolutions de la génétique, il sera avec nous en duplex dans les studios de France Bleu à Tours, que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, lecture Simon Maisonob, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Tristan Gratalon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 25 février 1997, banlieue sud d'Édimbourg, Écosse, il est 8h. Ce matin-là, lorsqu'ils partent au travail, les habitants de la petite commune de Mildotian ont la surprise de découvrir que l'accès routier qui mène à leur ville est complètement embouteillé. Une scène inhabituelle dans cette petite bourgade de la campagne écossaise, connue pour son calme et sa quiétude. La scène est d'autant plus étrange que parmi tous ces véhicules qui convergent vers la ville, certains sont équipés de paraboles. Leur immatriculation indique qu'ils viennent de toute l'Europe. Et tous semblent se diriger au même endroit, vers un immeuble de 2 étages aux parois de verre, connu pour être un centre de recherche spécialisé dans les travaux sur la génétique moléculaire, l'Institut Roslin. Un endroit en principe discret où ne s'attardent pas les feux de l'actualité. Un peu plus loin, une centaine de véhicules ont pris d'assaut le parking et certains, faute de place, ont même dû se garer sur l'accotement. Et au pas des portes du bâtiment principal de ce complexe de recherche, des dizaines de journalistes semblent eux aussi attendre quelque chose. Dans cette foule hétéroclite, on distingue des reporters britanniques, bien sûr, ceux du Guardian et de la BBC en tête, mais aussi des journalistes espagnols du quotidien El Mundo. À côté d'eux, des Français de l'AFP, de France Télévisions et de Radio France. Et puis, 3 reporters américains du New York Times qui expliquent à leurs confrères qu'ils ont été dépêchés en urgence de Moscou, où ils sont en poste, pour venir jusqu'ici. La correspondante à Londres de la chaîne japonaise NTV est là, elle aussi. Elle précise que 3 autres équipes de télévision sont en route en provenance de Tokyo. Presque autant de monde que pour l'élection d'un pape. Alors, que se passe-t-il dans ce coin tranquille de la ville écossaise? Eh bien, il se trouve qu'une rumeur court depuis quelques jours. Une rumeur qui a provoqué une vague d'émotions dans la communauté scientifique. Selon des journalistes bien informés, la prestigieuse revue britannique Nature s'apprête à publier un article sur les travaux d'une équipe de chercheurs écossais qui aurait réussi à dupliquer génétiquement des entités vivantes. En d'autres termes, ils auraient réussi à cloner. Vers 11h, les agents de sécurité ouvrent les portes. Dans une pièce exiguë et surchauffée, aménagée en salle de presse, les journalistes s'entassent. Et ils écoutent attentivement les membres de l'équipe du professeur Ian Wilmot, responsable de l'unité de clonage cellulaire à l'Institut. Les questions fusent sur la prétendue réussite du clonage. Face à des journalistes aussi sceptiques que médusés, le professeur Wilmot répond de façon solennelle. oui. Oui, nous avons réussi ce que personne n'avait réussi par le passé. Nous avons cloné un mammifère à partir de cellules adultes. La messe est dite. Puis, alors que la conférence de presse se termine, certains journalistes, triés sur le volet, sont amenés dans un long couloir où on les fait déchausser pour leur mettre des bottes stérilisées. Ensuite, ce petit groupe traverse une cour avant d'arriver devant un bâtiment annexe de l'Institut de recherche. Sur les portes, on peut lire 6LL3 Area Project, zone de travail du projet 6LL3. Les portes s'ouvrent et donnent sur une petite étable aménagée. C'est là que le professeur Wilmot accueille les reporters. Welcome. Let me introduce Dolly. Les journalistes découvrent alors une petite brebis qui, effrayée par toute cette agitation, bêle. Elle s'appelle Dolly. Elle est née 7 mois plus tôt, au début de l'été 1996, dans le plus grand secret. Elle a vécu à l'isolement pendant près de 153 jours, sorte de période de quarantaine, pour éviter toute infection due à un germe ou une bactérie venue de l'extérieur. Puis, l'animal a été placé en observation et a suivi toute une série de contrôles et d'examens pour vérifier qu'il était sain. D'ailleurs, quand on le regarde, difficile de voir autre chose qu'un animal avec une tête, 2 yeux et 4 pattes emmitouflées dans un bas de laine beige. Brebis, elle l'est, comme toutes les autres brebis. Mais ce n'est qu'apparence, car celle-là n'a pas été faite par papa et maman. Elle n'est pas le produit d'une partie de pâte en l'air, un soir d'été dans une verte prairie, ni même du signe du bélier. Non, c'est la copie conforme d'un point de vue génétique d'une autre brebis morte depuis longtemps. Dolly est bel et bien un clone. L'information fait immédiatement la une de l'actualité. Quant aux images, elles font le tour du monde. Et le grand public découvre Dolly, ce petit animal apeuré qui ne semble en rien être différent d'une brebis, une vraie. Seul, si j'ose dire, son ADN est différent. Interrogé sur France Inter, le professeur Axel Kahn, généticien, confie sa vision de l'événement tout en nuances. C'est un thème que l'on retrouve dans tout un tas de films de science-fiction. Au fond de son laboratoire, un vieux professeur, illuminé de préférence, fabrique des clones. Eh bien aujourd'hui, ça n'est presque plus un film, c'est la réalité. Daniel Messager a posé la question à un ponte de la génétique, le professeur Axel Kahn. Dans l'agriculture, on peut imaginer multiplier un reproducteur ou bien un animal d'exception qui sera identique à lui-même, avec des caractéristiques laitières, producteur de viande, tout ce que vous voulez. On peut imaginer également produire, par un mécanisme un peu compliqué, mais produire des modèles animaux de maladies humaines. Alors ça, c'est l'aspect positif, mais on ne peut s'empêcher de penser à l'aspect négatif qui pourrait être par la suite le clonage humain. Je crois que tous les chercheurs dans le monde entier sont tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut absolument interdire le clonage humain. Pour une raison qui est claire, si vous voulez, c'est qu'il ne revient pas à l'homme comme ça de créer des individus tous identiques, et les fabriquer comme cela serait certainement attenté à leur dignité. Et c'est en nous, par notre réflexion, par nos lois, par notre morale, qu'il faut s'en prémunir. À une très large majorité, les spécialistes interviewés par les médias, généticiens, microbiologistes ou chercheurs, insistent sur le fait que la réussite de l'expérience menée par le professeur Wilmot et son équipe de l'Institut Roslin demeure le plus grand progrès de la science en cette fin de XXe siècle. Un exploit que certains n'hésitent pas à comparer à celui de la découverte de la radioactivité par les époux Curie ou la vaccination par Louis Pasteur, entre autres. Car en franchissant une barrière qui paraissait infranchissable il y a peu pour la science, Dolly va entraîner le débat sur le terrain philosophique. Et cela va faire couler beaucoup d'encre. Quoi qu'il en soit, comment a-t-on réussi ce pari fou de cloner un mammifère? Et qu'est-ce qui rend Dolly si unique d'un point de vue scientifique? Pour le comprendre, il est nécessaire de voyager dans le temps, dans les entrailles et l'histoire de ce qu'on appelle fort justement le génie génétique. L'aventure de Dolly a commencé le 25 avril 1953, lorsque deux chercheurs américano-britanniques, Francis Crick et James Watson, décrivent pour la première fois dans une étude scientifique la structure de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Une molécule en forme de double hélice renfermant l'intégralité du patrimoine génétique de toute entité vivante, qu'elle soit végétale ou animale. Cette découverte est considérable pour la communauté scientifique, car si à l'époque, on connaît déjà l'ADN et sa structure chimique comme support de l'hérédité, personne ne sait comment cette molécule tient en place. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si on possédait une structure en Lego, mais sans avoir le plan de montage, ou c'est le syndrome armoire IKEA. Il arrive un moment, ça bloque. Avec cette découverte, celle de la structure en double hélice permettant la copie du matériel génétique contenu sur chaque bande, Watson et Crick vont révolutionner la génétique et ouvrir la voie à une multitude d'expériences qui vont déboucher sur les premières manipulations génétiques. Des pratiques qui vont, dès le milieu des années 70, alimenter le débat social, mais aussi les premières polémiques. L'homme a-t-il le droit de modifier l'hérédité ? Peut-il impunément jouer avec cette molécule, l'ADN, qui est le véritable mode d'emploi de la reproduction, qui contient donc toutes les informations nécessaires pour fabriquer une fleur, une mouche, un microbe, un homme ? Peut-il par exemple prélever une petite partie de cet ADN unique pour chaque individu dans les chromosomes d'un champion ou d'un génie et la reporter à l'intérieur des chromosomes d'un être ordinaire ? Pour en faire lui aussi un champion, un génie, et aboutir ainsi à une société prétendue idéale de savants, d'Apollon, de surhommes. À l'époque, on utilise des grenouilles, des crapauds, voire des souris, sur lesquelles on transfère des noyaux à partir de cellules embryonnaires pour recréer une copie génétique de l'animal à copier. La pratique est archaïque, les protocoles d'études souvent remis en question. Quant aux résultats, ils sont rarement convaincants. Malgré tout, avec les avancées de la technique, les chercheurs de nombreux pays vont persévérer dans cette voie scientifiquement excitante, il faut bien l'avouer. Pendant la décennie 80, alors que les unités de recherche scientifique balbutient dans le clonage cellulaire, aux États-Unis, du côté des studios d'Hollywood, la thématique du clonage trouve de plus en plus d'écho dans les superproductions du cinéma. Qu'ils soient hybrides, droïdes ou cyborgs, ou tout simplement clones, ils représentent l'avenir où des apprentis sorciers génèrent monstres et catastrophes. Blade Runner, Star Wars ou encore Jurassic Park, les clones tiennent généralement le mauvais rôle. Pour le grand public, cette influence du cinéma est forte. Dès lors, le clonage devient associé au danger d'un futur et d'une science devenue incontrôlable dans son aspect Frankenstein. De leur côté, certains médecins et journalistes affirment que s'il est désormais tout à fait possible de cloner des cellules de végétaux, voire des cellules animales et humaines, il est en revanche impossible de copier un homme en entier. Comme l'explique le docteur Michel Salomon sur le plateau de l'émission Temps X. Ouf! Dr Salomon, vous avez parlé tout à l'heure du génie génétique. Est-ce que aujourd'hui, à la lumière des travaux des généticiens, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions? Par exemple, on dit que le génie génétique pourra modifier l'homme lui-même dans sa structure biologique. Ça, je ne le crois pas. Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas à ce genre d'histoire. Il y a une force de résistance de la nature qui fait qu'un certain nombre de fantasmes scientifiques ne verront jamais le jour. Et pourtant, moins de 10 ans plus tard, à la fin des années 80, le fantasme du clonage deviendra réalité scientifique. Et c'est en France, figurez-vous, qu'on en retrouvera les traces parmi les plus significatives. Juin 89, banlieue sud de Paris. C'est ici, derrière des murs imposants, près de Villacoublay, dans une ferme située sur un terrain militaire abandonné, que se déroulent des expériences parmi les plus surveillées et les plus abouties en matière de clonage en France. Heureusement, nous ne sommes pas ici dans le laboratoire d'un savant fou qui se livrerait sans aucun contrôle à des pratiques aussi dangereuses que sommaires sur des animaux ou des humains, non. Non, nous sommes à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'un des sanctuaires de l'excellence scientifique française. Ici, sur le site de Bressonvilliers, dans l'unité biologie du développement et de la reproduction, derrière les portes d'un grand entrepôt aménagé en étable, on découvre avec stupeur le résultat de plusieurs années d'expérience et de tâtonnements menés dans le plus grand secret des clones, oui, des clones, une quinzaine de bovins clonés, des vaches dont le patrimoine génétique est identique. Pour les chercheurs de l'INRA, l'enjeu, c'était la compréhension des premières phases de développement d'un individu vivant et la reproduction de certains d'entre eux qui montraient des performances agronomiques remarquables et à l'identique. Enfin, le retour au clonage ouvrait une voie de recherche pour tenter de comprendre comment un noyau de cellules somatiques, autrement dit une cellule de la peau par exemple, pouvait être reprogrammé en noyau exprimant des gènes embryonnaires et donc capable d'être une base complète pour redonner la vie. Pourtant, bien loin de ces recherches discrètes menées par l'INRA, le grand public ne va pas tarder à découvrir, quelques mois plus tard, un soir sur les écrans d'Antenne 2 à l'heure du journal télévisé, le premier visage d'un clone. Nous sommes le 17 novembre 1990. Cocorico bis, c'est en France, et plus précisément à Douai, dans le Nord, qu'est né hier après-midi le premier veau européen conçu par clonage. Il s'appelle Clony, il pèse 56 kilos. Actuellement, le veau d'or, ne le réveillez pas, mais écoutez les explications de notre correspondant Benoît Gadret, le clone de la rédaction d'Antenne 2. Voici le veau le plus célèbre de l'année. Il s'appelle Clony, il pèse 56 kilos, et parce que sa carcasse est trop charpentée, cette nouvelle star de la race bovine a dû naître par césarienne. L'histoire de Clony commence dans ce laboratoire, où de jeunes chercheurs français, formés pour certains aux États-Unis, travaillent depuis 2 ans sur les techniques de clonage. Au centre de l'écran, un embryon âgé de 6 jours. Dans quelques secondes, ce futur veau aura un clone, en clair un frère jumeau. Ainsi, à partir d'un embryon sélectionné, les chercheurs de Douai ont réussi à créer jusqu'à 32 embryons du même type génétique. En clair, ils ont réussi à concevoir 32 veaux qui auront le même ADN. Pour l'entreprise française Gène Diffusion, qui est à l'origine de cette prouesse scientifique, la technique est au point et désormais on envisage de lancer les premières applications commerciales, comme l'explique son directeur scientifique, Luc Liégeois. Bien évidemment, l'éleveur choisira les meilleurs embryons de ses meilleurs animaux. Il suffira ensuite d'en réaliser des copies conformes, donc d'en avoir un nombre plus important, et à partir de là, d'en diminuer le coût. Le problème, c'est qu'à l'époque, le taux de réussite du développement d'un embryon cloné ne dépasse pas les 5 à 10%, ce qui, pour produire un seul animal, représente près d'une centaine d'inséminations sur plusieurs mois. Bon, mais si les chercheurs français ont déjà réussi à cloner des animaux vivants au début de la décennie 90, qu'est-ce qui rend Dolly si unique, finalement, et qui fait d'elle, selon la presse internationale, l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle? La réponse se niche en Écosse. De retour dans les laboratoires de l'Institut Roslin, dans le sud de la banlieue d'Édimbourg, on retrouve le docteur Ian Wilmot, généticien, chef de l'équipe qui a cloné Dolly. Très fier, il explique à des journalistes de la revue britannique Nature comment lui et son équipe ont réussi ce clonage. D'un point de vue technique, l'affaire n'est pas si compliquée qu'il n'y paraît. En effet, pour cloner Dolly, nous avons seulement eu besoin de 2 brebis femelles. Sur la première, décédée depuis longtemps, nous avons seulement prélevé une cellule de mamelle. Sur la seconde, nous avons récupéré un ovocyte, un œuf prêt à être fécondé. Et c'est là précisément que le docteur Wilmot explique en substance l'ingénieux bricolage biologique de son équipe de généticiens. De la première cellule, nous n'avons gardé que le noyau chargé de milliers d'informations génétiques. De l'ovocyte, nous n'avons récupéré que l'enveloppe. Puis, grâce à une fusion électrique de quelques millisecondes, nous avons fait rentrer le noyau dans cette enveloppe. Pour que l'un féconde l'autre, comme dans un cas classique de fécondation naturelle avec des spermatozoïdes. Après 24 heures d'inactivité, la cellule reprend son mécanisme de division cellulaire. Elle se multiplie, avant d'être ensuite incorporée dans le ventre d'une troisième brebis, celle qui sera notre mère porteuse. Et c'est ainsi qu'au bout de 5 mois, naît une copie de la première brebis, sur laquelle nous avions prélevé une cellule, donc les informations génétiques. La technique décrite par le docteur Wilmot est la même que celle utilisée par les Français de l'INRA et de Douai à ceci près. Et c'est là la véritable révolution scientifique. Il n'a pas été question d'utiliser ici une cellule embryonnaire, non. Pour la première fois, l'équipe de scientifiques a réussi, contre toute attente, à remonter le temps biologique et à reprogrammer une cellule déjà différenciée. Une cellule dite adulte dans laquelle une partie du patrimoine génétique ne s'exprime pas. Comment dire ? C'est comme si on pouvait désormais prendre n'importe quelle cellule, présente dans un morceau de peau sur la main, et qu'on pouvait, rien qu'avec elle, reconstituer entièrement un corps humain. Dans les milieux scientifiques, cette découverte change tout, car elle ouvre la possibilité de choisir quel animal est digne d'être cloné, surtout d'envisager des applications concrètes sur l'homme. Et là, évidemment, c'est une autre histoire. Ce que le grand public ignore, en revanche, c'est que Dolly a quelques petits secrets de fabrication. D'une part, bien que ce soit un clone, il existe une différence de 3% entre son ADN et celle de sa génitrice. D'autre part, pour que l'opération de clonage de Dolly réussisse, il aura fallu la répéter 277 fois avant d'obtenir un seul embryon viable. Ainsi, ce sont 277 échecs pour une seule réussite. Comme quoi, on peut relativiser. Face à la caméra de Michel Monponté pour le magazine Envoyé spécial, le docteur Wilmuth admet la part de hasard dans toute cette expérimentation, enfonçant un peu une porte ouverte. Chacun sait que l'empirisme, le retour d'expérience et le hasard, bien exploité, sont des piliers de la science. Oui, c'est vrai, mais c'est souvent comme ça. Les progrès de la science nécessitent une démarche systématique, prudente. Savoir toujours ce que vous êtes en train de faire et ensuite avoir un bon coup de chance. Après, il vous faudra comprendre pourquoi vous avez eu cette chance. Vu, c'est tellement excitant, pas seulement notre regard sur tout ça, mais les observations que vont en tirer maintenant, grâce à nous, les scientifiques du monde entier. Je pense que d'ici un an ou deux, on comprendra beaucoup mieux ce qui vient de se passer. Nous avons bâti notre savoir grâce à des connaissances américaines, françaises, australiennes. Mais vous avez raison, nous sommes les vénards qui ont franchi le pas décisif. Et c'est pour ça que nous avons été les premiers à produire une copie d'un animal à partir d'une seule cellule. Chimère pour les uns, danger de la manipulation génétique pour les autres, Dolly va très vite devenir le symbole d'un débat qui dépasse de loin les frontières du monde animal et de la science. Car avec Dolly, c'est un tsunami médiatique qui s'apprête à déferler avec cette idée obsessionnelle de l'éventualité d'un clonage humain. Les jours qui suivent l'annonce de la naissance de Dolly en février 1997, la prouesse scientifique est saluée. On est impressionné par le génie tout court des chercheurs et surtout, on se dit que cette découverte pourrait ouvrir la porte à des progrès thérapeutiques. Rappelons que les plus grands espoirs dans la lutte contre le cancer, par exemple, reposent sur le génie génétique. D'un autre côté, la possibilité que l'homme puisse être cloné crée l'inquiétude et ouvre la voie à un vaste débat éthique qui pousse plusieurs pays à prendre des mesures rapides. L'emballement médiatique se dessine le 22 février 1997 lorsque des journaux italiens et britanniques de second plan et absolument pas spécialisés dans les questions scientifiques titrent « Premier clonage d'un mammifère ». Clonage qui, comme nous l'avons vu, n'était pourtant pas le premier, mais enfin, présenté comme ça, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. D'autant qu'au début de l'année 97, la question des maïs OGM transgéniques ne cesse de défrayer la chronique après la publication d'une série de rapports inquiétants. Et cette publication sur le clonage donne à beaucoup le sentiment qu'il s'agit soit d'un canular, soit d'une information qui a fuité. C'est donc bien qu'on voulait la cacher, c'est donc bien qu'il y avait danger. Oui, mais danger de quoi ? Eh bien, qu'on clone des humains, on y revient. D'autant que quelques jours plus tard, on annonce le clonage de deux singes macaques. Or, l'homme descend du singe, dit-on. C'est bien connu. En tout cas, ça inquiète encore plus. Face à une opinion publique qui veut comprendre ce qui se trame, les médias multiplient les articles qui tentent de vulgariser cette révolution scientifique du clonage. Mais la tâche n'est pas aisée. Et au bout du compte, Dolly suscite plus que jamais la crainte, comme l'indique, sans le prouver, ce micro-trottoir réalisé quelques mois plus tard parmi des centaines d'autres micro-trottoirs. Un quoi ? Un clonage embryonnaire. Quelle idée ? Et Dolly, la brebis, vous avez entendu parler ? Désolé. Pardon ? Un clonage, vous savez ce que c'est ? Oui, je crois savoir. C'est quoi ? Bon, c'est l'essai de... Un clone. Le clonage. Attendez, on fait le clonage, la fameuse brebis. Je sais plus. Je sais plus, mais je sais que c'est. Enfin, je sais que c'est deux particules. Un clone embryonnaire. Je sais plus. Non, ils ont cloné à partir d'une seulement, une mère, pas de père. Dans la plupart des pays occidentaux, plusieurs lois régissent déjà l'interdiction du clonage chez l'homme. En Allemagne et en Espagne, notamment, toute tentative de dédoubler un être humain est passible d'emprisonnement. Aux États-Unis, en revanche, un grand flou juridique permet encore à des instituts universitaires américains de lancer des programmes de recherche sur ce terrain. Alors, pour rassurer l'opinion, le président américain Bill Clinton prononce un discours solennel. Notre administration croit savoir qu'il existe désormais des moyens qui pourraient permettre le clonage d'êtres humains, si la technologie était développée en ce sens. C'est pourquoi je viens de donner l'ordre que soit interdit l'usage de tout fonds public pour tout projet de clonage humain, quel qu'il soit. Ceci prend effet immédiatement. Dès lors, aucune structure fédérale n'apportera son soutien financier ou n'aidera ce genre de projet. Bien sûr. Il existe des groupes financiers privés qui soutiennent ce genre de recherche. C'est pourquoi je demande à ce que l'entière communauté scientifique et médicale, toutes les fondations et toutes les universités, toutes les industries qui apportent leur aide à ce genre de projet, de suivre l'exemple du gouvernement. Je demande qu'un moratoire volontaire sur la question du clonage humain soit mis en place afin de permettre à notre population d'avoir une véritable chance de comprendre les véritables implications que ce nouvel enjeu peut apporter à notre société et d'en débattre. Mais les États-Unis, pionniers du genre, n'abandonneront pas toutes leurs recherches. Le but poursuivi par la méthode Dolly, compliquée et aléatoire, était de permettre le clonage de brebis transgéniques adultes à la chaîne. Ce sera le cas quelques mois plus tard, au mois de décembre 1997, avec l'annonce de la naissance d'une autre brebis clonée, Polly, et de quatre agneaux. D'un point de vue scientifique, cloner un embryon, comme on savait déjà le faire, permet seulement la multiplication d'animaux dont on ne sait pas encore s'ils tiendront leurs promesses une fois arrivés à maturité. À l'inverse, cloner un animal adulte permet de produire un être vivant que l'on connaît déjà et avec lequel on est sûr de pouvoir retrouver les qualités qu'on recherche. Et parmi ces qualités, il y a la production dans le lait de Polly, par exemple, d'une protéine dite facteur 9, fortement coagulatrice, qui permet de soigner ou du moins d'aider les malades hémophiles. Bon, vu comme ça, ça va. Plus tard, l'équipe de l'Institut Roslin révélera qu'elle a cloné des bovins fabriquant des protéines sanguines humaines, des cochons porteurs d'organes taillés sur mesure pour être transplantés chez l'homme, et même des poules pondant des œufs contenant des anticorps anticancéreux. Mais malgré toutes ces promesses, les chercheurs le savent, l'impact réel de cette technologie reste encore à prouver. D'autant que les clones restent instables du point de vue de leur métabolisme. Passé la première année, Dolly n'échappe pas à cette règle et commence à multiplier les signaux inquiétants. Les vétérinaires estimeront même qu'elle faisait 3 fois son âge en raison des maladies qu'elle développait à un stade précoce. Alors, très vite oubliée par les médias, Dolly va pouvoir reprendre une vie presque normale et continuer d'être suivie et étudiée par les chercheurs. Elle sera finalement euthanasiée au printemps 2004 après de graves problèmes d'arthrose et une maladie pulmonaire. Sa mort passera presque inaperçue. Hello Dolly. 18 ans après sa naissance, cette brebis reste le symbole d'un immense progrès scientifique, mais aussi d'une inquiétude majeure, philosophique. Un peu le contraire de ce que fut le premier pas de l'homme sur la Lune. Dolly, c'est un grand pas pour la science, pas forcément pour l'humanité. Hello, Dolly. This is Louis, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le clonage de la brebis Dolly. Notre invité, c'est le professeur Patrick Gaudret, généticien, directeur de recherche au CNRS et membre du Comité consultatif national d'éthique. Bonjour Patrick Gaudret. Bonjour Fabrice Rouen. Alors, première question, on l'a vu dans le récit, dans l'affaire de la brebis Dolly, l'emballement médiatique a vite éclipsé l'incroyable progrès scientifique pour se concentrer, c'est légitime d'ailleurs, sur les applications à l'homme du clonage, la grande peur. On y reviendra. Pourtant, Dolly, c'est un pas de géant pour la science et en particulier pour le génie génétique. Qu'a concrètement apporté Dolly à la communauté scientifique et aux chercheurs? Est-ce que vous confirmez que c'est un grand pas dans la recherche, dans le génie génétique? Il s'agit d'un pas qui, comme tout pas scientifique s'inscrit dans une longue lignée de pas qui l'ont précédé, et c'est certain que l'emballement médiatique autour de Dolly a fait que ce pas est devenu, comme vous l'avez dit précédemment, un pas de géant. Ça a été effectivement amplifié par un certain nombre de scientifiques qui ont dit que c'était un progrès absolument gigantesque, alors que il s'agit d'un progrès certain, il s'agit d'un progrès technologique, il s'agit de quelque chose qui a apporté énormément à la connaissance scientifique, mais qui s'inscrit dans une continuité de progrès scientifique. Et moi, je me refuse un petit peu à mettre trop en exergue ce genre d'événements, parce qu'après, on pourrait parler aussi, après, il y a eu des expériences 10 ans plus tard qui ont été tout aussi, et même peut-être plus révolutionnaires encore, et qui n'impliquaient pas le passage par l'animal pour obtenir des cellules dérivées d'une personne adulte et qui permettent d'envisager des progrès thérapeutiques dans un certain nombre de cas. Donc je suis plutôt plus réservé que vous, mais c'est normal. Et je reconnais que effectivement, si vous voulez, il y a des espèces de marques dans l'histoire des sciences qui font que certaines choses prennent un relief plus important. Et le fait de pouvoir effectivement aussi nommer Dolly, je veux dire, c'est un nom qui est resté, qui restera probablement encore très longtemps, parce que c'était effectivement la première brebis obtenue après clonage en utilisant des cellules adultes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui était tout à fait considérable. Alors, voilà, les scientifiques gardent un petit peu la tête froide par rapport à ces avancées. C'est souvent le cas des scientifiques, d'ailleurs. Hein. C'est ce qui aussi oui, on leur reproche beaucoup, d'ailleurs. Oui, quelquefois. Ça ne s'accorde pas toujours bien avec les médias, par exemple, qui eux réagissent à un autre tempo. Alors voilà. Effectivement, la réussite de Dolly est quand même, disons-le, relative. Hein. On rappelle qu'elle est synonyme de l'échec de 277 autres essais réalisés par les équipes en Écosse. Alors c'est la preuve, s'il en fallait une, qu'en génétique, comme dans d'autres terrains de la science, on a, disons, de bons outils. Enfin, il nous reste un grand pan de la technique à maîtriser. Est-ce qu'on en est en termes de clonage au stade du balbutiement ou du début déjà un peu élaboré, on en est où finalement? Alors moi, j'ai mon interprétation est que on en est aujourd'hui, si vous voulez, à des progrès sensibles par rapport à la technique qui avait été utilisée en 1996. On envisage surtout d'autres techniques, des techniques alternatives à des besoins de clonage, sauf évidemment dans le, et vous l'avez cité, ce qui se passe aux États-Unis ou beaucoup au Japon également, sur le clonage animal de ferme, disons, surtout bovin, ovin. On a fait des progrès, on a amélioré les pourcentages de succès. Je pense pas qu'on ait résolu réellement les questions de fond sur le sens qu'ont ces expériences et ces techniques. Et même sans aller jusqu'à l'humain, qui évidemment est un pas supplémentaire dans la réflexion, le clonage animal pose énormément de questions. D'ailleurs, il a été il est combattu par certains, il a été réellement mis en cause dans pas mal de cas, et parfois pas toujours pour des bonnes raisons. Et je crois que très récemment, puisque c'était au début septembre dernier, la communauté européenne a interdit l'utilisation d'animaux clonés pour la production d'aliments humains. Donc, on est vraiment toujours dans des réactions un petit peu de défense de la société, d'interrogation. Et puis les scientifiques, eux, pensent que peut-être le clonage, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd et qui, pour les avancées scientifiques que nous espérons et qui peuvent avoir un intérêt notamment en médecine, des techniques alternatives ne passant pas par l'animal sont peut-être envisageables, et ce sont certainement celles sur lesquelles on recherche aujourd'hui. On y reviendra également sur ce terrain éthique et aussi sur le terrain des applications qui pourraient être bénéfiques, je ne sais pas, pour les thérapies par exemple. Mais encore une fois, sur Dolly, qu'est-ce qui fait que finalement, elle a eu des maladies qu'aurait un vieil animal. Elle a eu des maladies de façon prématurée. D'ailleurs, elle était euthanasiée. Ça voulait dire que d'emblée, elle n'avait pas la force et la résistance d'un être biologique, on va dire, classique ou normal, enfin naturel. Absolument. Alors ça, c'est dû à des causes probablement nombreuses, je dirais pas multiples, mais des causes quand même nombreuses, dont l'une est que dans la technique de clonage employée par Campbell et Wilmuth en 96, si vous voulez, on part d'une cellule adulte qui a déjà un certain âge, et en fait, vous avez dit qu'on était capable de remonter un petit peu l'histoire de la vie de cette cellule et la ramener à une cellule capable de fournir un embryon puis une brebis, oui, on est revenu en arrière, mais pas complètement. Donc, il y a des traces, si vous voulez, de l'âge originel de la cellule qu'on n'a pas su effacer. Aujourd'hui, dans des systèmes qui ne sont pas des systèmes animaux, qui sont des systèmes cellulaires, on arrive à remonter beaucoup plus loin, si vous voulez, dans l'histoire de la cellule. On arrive à faire d'une cellule âgée une cellule beaucoup plus jeune, au niveau moléculaire, je parle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire, évidemment, en 1996. On ignorait absolument bien des choses. Il y a eu d'ailleurs plusieurs prix Nobel sur des tas d'aspects, notamment du vieillissement cellulaire, qui ont été obtenus depuis. Donc il y a un vieillissement cellulaire qu'il fallait comprendre pour pouvoir éventuellement revenir en arrière par rapport à cela. Et puis il y a le fait également que on parle de clones, on dit reproduire à l'identique, mais on ne reproduit pas à l'identique, puisque de toute façon même au niveau rien qu'au niveau génétique, nous ne sommes pas constitués seulement d'ADN nucléaire, du noyau. La masse principale d'ADN dans nos cellules vient du noyau, mais il y a une petite quantité d'ADN qui vient de petites organites qu'on appelle des mitochondries, qui produisent l'énergie pour la cellule, et qui d'ailleurs, quand il est défectueux, peut créer des maladies qui sont extrêmement invalidantes, des nécessités, des surdités, des maladies neurologiques. Donc on est, si vous voulez, avec une petite partie de matériel génétique qui vient de l'ovocyte receveur. Donc c'est pas tout à fait, Dolly n'était pas identique à sa oui, on l'a dit d'ailleurs, il y a 3% oui. Au moins de différence, hein. Voilà, il y a 3% de différence, et ces 3% ont une importance. On ne sait pas encore la totalité de cette importance, mais c'est important. Alors, dernière question avant de prendre une pause musicale. Au moment de l'affaire Dolly, est-ce que vous étiez déjà au Conseil national d'éthique? Est-ce que vous étiez déjà au CNRS? Non. Ah, j'étais déjà au CNRS depuis plus de 20 ans. Mais... Ah, alors, au CNRS, c'était quoi les réactions? Moi qui étais, si vous voulez, bon, j'étais plus dans la partie génome, structure, mais c'est vrai que Dolly nous a impressionné au niveau, c'était une prouesse technique. Mais moi, je n'ai jamais, et mes collègues ont toujours regardé aussi avec beaucoup de circonspection cet événement, parce qu'on savait que ça n'était pas un clone exact, puis pour les raisons qu'on vient de discuter, et puis on savait effectivement que c'était une technique qui était très peu efficace et qui pourrait être validée dans des systèmes plutôt agronomiques, d'élevage, etc., nécessiterait probablement encore des années d'efforts pour être améliorée. Donc déjà à l'époque, on regardait les choses avec émerveillement, hein, je ne le cache pas, c'était quand même quelque chose de fantastique. Mais avec une certaine réserve, et en disant bon, ben finalement les vraies connaissances vont arriver maintenant, parce que grâce à ce modèle, ça aussi il faut le souligner pour les auditeurs, grâce à tout ce qu'on a appris avec Dolly jusqu'à son décès, mais avec ses successeurs également, on a appris énormément de choses, et des choses qui ont des retombées d'ailleurs parfois un peu plus inattendues, notamment dans l'assistance médicale à la procréation, éventuellement sur les milieux de culture des embryons, etc. Donc on apprend, mais la science prend du temps. Voilà. Bien, bien sûr, on a bien compris. Patrick Audrey, on va se permettre une petite plaisanterie. C'est dommage qu'on puisse pas cloner Michael Jackson, parce qu'il nous manque beaucoup. Et en 1996, il chantait They Don't Care About Us. Ils n'ont pas fait attention à nous. Voilà. Everybody gone bad. Situation aggravation. Everybody allegation in the suit on the news. Everybody gone. Professeur Patrick Gaudret, on va parler maintenant de choses, non pas qui fâchent, mais de choses vraiment sensibles. Donc, cette perspective soit fantasmatique, soit réelle, je ne sais pas, de clonage humain. Un jour, peut-être nous, quand on sera mort, d'ailleurs, on ne sait pas. On va entendre ensemble une archive, et puis on en discute ensuite. Donc, c'est Ron James, le PDG de PPL Therapeutics, dont l'équipe de chercheurs a créé Dolly. Il est interviewé dans le cadre du magazine Envoyé spécial en 97, quelques mois après la révélation de Dolly, de l'existence de cette brebis clonée au grand public. On l'écoute, on en discute ensemble après. Je ne crois pas qu'il y aura une interdiction du clonage, en tout cas en ce qui concerne les animaux. C'est pour ça que je n'ai rien prévu comme changement de stratégie. Mais si un gouvernement était assez fou pour interdire le clonage des animaux, cela remettrait en péril tout un pan de la recherche médicale. Mais je ne crois pas que cela arrivera. En ce qui concerne le clonage des êtres humains, je pense que la plus sage des décisions serait d'émettre une restriction plutôt qu'une interdiction. En d'autres mots, demander aux gens ce qu'ils veulent faire, quand, comment et pourquoi, avant qu'ils ne passent à l'acte. Et si quelqu'un dans le futur a une bonne raison, pas maintenant bien sûr, mais plus tard, alors nous pourrons dire oui et on n'aura pas besoin de changer les lois. Il ne faut pour l'instant que prévoir une restriction, pas d'interdiction. Alors, restriction ou interdiction, Patrick Gaudret ? Je crois que la communauté internationale, d'une manière assez générale, a tranché vers une interdiction. Donc, je crois que cette subtilité de restriction donnée par Ron James était à l'époque éventuellement un souhait de la part d'un certain nombre de technologues, notamment grands-bretons, mais et américains probablement aussi. Mais il s'agit effectivement, si vous voulez. Restriction, c'est finalement, on ne change rien au cadre légal, mais le cadre légal, finalement, pour tous ceux qui ont notamment souscrit aux conventions et décrets internationaux, que ce soit de l'UNESCO, de l'ONU, de l'OMS, du Conseil de l'Europe, etc., ou de la communauté européenne, évidemment, se sont interdits à eux-mêmes de s'engager dans cette voie d'un clonage reproductif humain. Donc, on a même parlé, je me rappelle, un forum européen de bioéthique à Strasbourg, le titre d'une table ronde était « Clonage reproductif, un crime contre l'espèce humaine ». Donc, les gens n'ont pas de mots trop forts pour qualifier, effectivement, ce qui pose d'énormes questions, qu'il ne faut certainement pas éluder, mais auxquelles, pour l'instant, il est plus sage de répondre par une interdiction. Alors, un philosophe du nom de Yuval Noah Harari a dit, c'est une phrase très forte, hein, d'inventeur de Dieu, Homo sapiens, pourrait se transformer en Dieu lui-même. Comment arrêter cette course folle? Ce qu'il veut dire, c'est que, par rapport au Dieu créateur, pour ceux qui adhèrent à cette pensée, l'homme deviendrait créateur. Comment arrêter cette course folle? Effectivement, c'est une citation à laquelle vous adhérez, qui vous parle? Oui, qui me parle moyennement, mais effectivement, l'homme est déjà créateur de pas mal de choses. Il est créateur d'espèces, éventuellement de nouvelles espèces. Il est créateur de beaucoup de choses, sans être Dieu et sans même se prendre pour Dieu, à part certains mégalomanes qui ont défrayé la chronique il y a quelques années. Je crois que la question est plus sur ce que représente effectivement le clonage humain, c'est-à-dire la motivation pour laquelle il peut être fait, c'est-à-dire si c'est simplement le plaisir de se propager soi-même dans un avenir qu'on ne connaîtra pas, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a une réalité biologique, il y a des cellules, il y a un homme biologique, et puis il y a l'homme. Voilà, l'être humain qui est beaucoup plus que l'être simplement biologique. Et finalement, se cloner soi-même, par exemple, n'est pas se projeter dans l'avenir ou acquérir une forme d'immortalité. Ça sera l'immortalité de cellules. Mais si une personne venait le jour à partir d'expériences de type de celles qui ont produit Dolly, il y aurait effectivement des différences fondamentales. On aurait affaire à des êtres complètement différents, à des êtres humains complètement différents, et finalement, donc, le but que serait fixé la personne au départ aurait été loupé. Et puis, donc je pense, moi, personnellement, que à titre personnel, je pense que le clonage reproductif humain n'a pas beaucoup d'intérêt. En plus. Je pense même que ça n'en a aucun. Alors on va laisser ça aussi au cinéma. On va laisser ça au cinéma et la littérature de science-fiction parce que là pour le coup ça a un intérêt. Ça nourrit bien. Alors non, l'intérêt si vous voulez justement, mais par exemple prenons un film de science-fiction qui est L'île en anglais The Island, un film de Michael Bay en 2005 qui posait réellement la question de la fabrication d'entités biologiques, si vous voulez, qui étaient la reproduction d'êtres humains pour leur servir de réserve de pièces détachées pour s'ils avaient besoin d'un foie, d'un cœur, d'un poumon, ou de n'importe quoi. Et je crois que les problèmes que posait très très bien le film à cette époque, c'était le problème de quelle était la réalité humaine des clones qui étaient produits. Est-ce que c'était en fait des êtres humains ou est-ce que c'était, comme le souhaitait la société qui les produisait, simplement des choses qu'on maintenait dans un état végétatif et qui n'avaient aucune humanité. Et finalement, tout ce débat entre l'humanité et la réalité biologique est extrêmement fondamental dans cette histoire. Et en attendant, l'homme crée son esclave, c'est-à-dire des robots. C'est moins dangereux que de créer un homme qui pourrait venir le maître du premier. Dernière chose, sur le clonage des animaux, on en est où en ce moment et sur quel progrès thérapeutique, je veux juste revenir là-dessus, ça a déjà débouché, ça peut déboucher. Alors, en fait, il y a pas beaucoup de choses qui sortent, ouais. qui donnent la même est la même importance que Dolly ou même Polly qui l'a suivi comme vous l'aviez dit tout à l'heure. On est capable effectivement, éventuellement, de faire produire à une vache ou à une brebis des molécules dans le lait, par exemple, pour en avoir une masse importante de molécules qui soient éventuellement des molécules d'intérêt thérapeutique. Ça peut être des choses qui soient poursuivies, mais la production dans des fermenteurs avec des cellules en culture ne met pas en cause les animaux. Là, je fais un petit clin d'œil à la tête au carré qui vous a précédé et dans lesquelles il était question effectivement de l'utilisation. C'est un concours de circonstances intéressant. Oui, complètement. Sur le respect des animaux, le bien-être animal, etc. Je crois que le clonage d'animaux, surtout avec la faible efficacité qu'on lui connaît, n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'utiliser n'importe comment. Si on ne peut pas faire autrement, éventuellement, si ça permet de produire effectivement des molécules, par exemple, d'intérêt thérapeutique, pourquoi pas. Mais il faut effectivement qu'il y ait une certaine pertinence scientifique et une pertinence aussi vis-à-vis de la demande sociale par rapport à ces molécules qui pourraient être produites. Pardon de vous bousculer, professeur Patrick Gaudrey, parce que c'est la fin. En tout cas, je vous remercie pour toutes vos explications et vos éclairages. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le clonage de Dolly, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Demain, ce sera la fiction, elle sera consacrée au père du journalisme moderne, Albert Londres.